Nous avons de nombreux problèmes qui avaient d'ailleurs été arrêtés avant les événements récents, mais il est certain que celui qui va dominer toutes nos conversations va être le problème de Suez et de l'attitude commune qu'il est nécessaire que la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France adoptent à l'égard de l'attitude inadmissible du colonel Lasserre. Autre réaction française, celle du ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, toujours en juillet 1956.